L'encre coule sur le papier comme l'huile sur l'asphalte. Résultat d'un carter éventré à mât de tôle. Froissé à l'intérieur, un des nôtres. Que la mort est en train d'emporter une pensée pour ceux qui nous ont brutalement quittés. Accident de la vie, erreur de parcours. La suite, tu sais, je la connais par cœur. Encore un frère qu'on enterre, un tas de souvenirs qui nous hantent. Les uns rejettent la faute aux autres, les autres écoutent les rap aux thèmes tristes. Se reconnaissent dans ces textes, se reconnaissent dans les miens. Quand je prends le bic et rature, que je pose ma voix sur le beat, rien n'est moins sûr que demain. Cette vie est un test, on va tous y passer, c'est sûr et certain. Pas l'issue de sortie, donc t'as qu'à faire un force en nous de faire les choses bien. Coincé pour la plupart entre le légal et l'illicite. On veut tous un allègement de peine pour bonne conduite. Je représente les miens sur disque, chaque jour le plus un test. Avec son lot de joie et tristesse, cette vie nous blesse, fils. Dédicace pour les nôtres, rien à foutre des autres, la rage dans le vent, rien de fictif. Je représente les miens sur disque, chaque jour le plus un test. Avec son lot de joie et tristesse, cette vie nous blesse, fils. Dédicace pour les nôtres, rien à foutre des autres, la rage dans le ventre. Ici rien de fictif. Les petits frères bavent devant les grosses caisses sur poster. Les grands frères bédavent, disent deal et certains se prosternent. Les torrents inspectent, restent postés dans le secteur. Attendent tranquillement le flag, comme dans le shield ou n'importe quelle série avec des gros flingues. De quoi tu veux que je te parle d'autre? Ce sera pratiquement ça tout l'album. Normal, nos vies sont ça comme. Souvent ça cause mal, pratiquement sans raison. Souvent ça part mal quand on perd la raison. Pas raisonnable pour un sou, pour moins que ça on te tabasse. Viens pas faire chier le monde si t'es sous, si tu veux pas qu'on te laisse sur place. Je crois que c'est l'heure de la tarcha, dire les mots là, c'est dit après de trois sky sec. Si juste l'armo était encore de ce monde, on irait vider quelques chargeants de Glock. Les belles armes et les bolides, c'était ça son truc. Ça l'a encore pour la majeure partie de mes propres. Représente les miens sur disque, chaque jour le plus un test. Avec son lot de joie et tristesse, cette vie nous blesse, fils. Dédicace pour les nôtres, rien à foutre des autres, la rage dans le vent, rien de fictif. Représente les miens sur disque, chaque jour le plus un test. Avec son lot de joie et tristesse, cette vie nous blesse, fils. Dédicace pour les nôtres, rien à foutre des autres, la rage dans le ventre. Ici rien de fictif. On voudrait tous savoir où l'avenir nous conduit. Mais comment peut-on avoir toutes les bonnes cartes sans tricherie? Beaucoup de noirceur dans mes écrits, beaucoup de rancœur dans les esprits. Beaucoup trop d'erreurs de parcours, trop de leçons qui coûtent cher. Toutes ces affaires qui ont tourné court, la peur au ventre que chaque jour sur terre se transforme en enfer. Et pourtant tellement d'efforts pour faire mieux que la veille. Pourtant c'est toujours la même merde de réveil. La même image que nous renvoie le miroir. Toujours le même éclairage blafard dans le couloir. Représente les notes sur disque, pas grande cause. Juste cette triste prose, hommage à nos proches disparus, destin tracé par le créateur. Passage de vie négociée à plus de 200 à l'heure. Beaucoup trop d'excès de regard déçu. Souvent cette même question qui revient. Qu'est-ce que je fous ici? Représente les miens sur disque, chaque jour le plus un test. Avec son lot de joie et tristesse, cette vie nous blesse, fils. Dédicace pour les nôtres, rien à foutre des autres, la rage dans le vent, rien de fictif. Représente les miens sur disque, chaque jour le plus un test. Avec son lot de joie et tristesse, cette vie nous blesse, fils. Dédicace pour les nôtres, rien à foutre des autres, la rage dans le ventre. Ici rien de fictif. Beaucoup n'arrivent pas à se sortir de leur merde malgré leurs efforts constants. Et bien souvent les autres observent et disent mesquine, il a pas de chance. Faut pas venir parler d'amitié quand ça part. Représente les miens sur disque, chaque jour le plus un test. Avec son lot de joie et tristesse, cette vie nous blesse, fils. Dédicace pour les nôtres, rien à foutre des autres, la rage dans le ventre, rien de fictif. Représente les miens sur disque, chaque jour le plus un test. Avec son lot de joie et tristesse, cette vie nous blesse, fils. Dédicace pour les nôtres, rien à foutre des autres, la rage dans le ventre. Ici rien de fictif.